Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et cette semaine c'est Bulle de Rêve, l'émission consacrée au cinéma d'animation avec trois invités aujourd'hui. Benjamin Legrand, bonjour Benjamin. Bonjour. Arnaud Demain, bonjour Arnaud. Bonjour. Et Franck Petitard, bonjour Franck. Bonjour. Alors je suis un peu isolé aujourd'hui, un peu abandonné de tous puisque Serge Kornmann, vu le grand froid, est resté dans son Alsace natale. Annabelle Sebag est prise par le festival d'animation du Val d'Oise. Elle reste avec Fino qui est en retard. Donc on aura quand même la chronique d'Alexis ainsi que la chronique d'actualité qui fera en fin d'émission. Il va pas tarder à arriver. Mais on va commencer tout de suite l'émission avec Franck Petitard, donc directeur et créateur d'une école d'animation, l'école européenne supérieure d'animation à Orly. Il y a déjà eu trois promos de sortie de l'école. Alors, pourquoi avoir créé une école d'animation? La raison est simple. Je pense que j'ai essayé de faire que ma passion devienne mon métier. Moi, je suis issu du compagnonnage du Tour de France en taille de pierre sculpture. Et ce que j'ai pu apprendre chez les compagnons et par la suite après au Beaux-Arts de Paris m'ont amené à faire ressortir ma passion qui était le cinéma d'animation et à essayer d'aller chercher les anciens où ils étaient dans les entreprises pour pouvoir justement créer une formation qui s'étale sur la chaîne de fabrication complète d'un film d'animation. Mais surtout en n'oubliant pas les fondamentaux tels que la peinture, la sculpture, l'architecture, le théâtre, la musique. Mais vous-même, vous n'avez pas fait de film d'animation? En pâte à modeler, mais jamais en image de synthèse comme on le fait aujourd'hui à l'école d'Orly. Alors pourquoi le choix d'image de synthèse? Un choix technologique qui est prétexte en fait de choisir un outil aujourd'hui de production pour que répondre à un besoin de production aussi des entreprises qui avaient à ce moment-là besoin de gens qui avaient aussi une certaine culture créative mais qui puissent utiliser les outils d'aujourd'hui. Que ça soit pas simplement des gens qui utilisent un outil mais des gens qui pourront avec leur créativité apporter une valeur ajoutée, comme je parlais des fondamentaux tout à l'heure, à un métier qu'on avait besoin. Et je crois que la forme juridique de l'école, c'est une association, c'est ça? Oui, tout à fait, une association loi 900 à but non lucratif. J'y tenais tout simplement parce que en fait il y avait besoin de prendre position avec les entreprises et avec des anciens du cinéma d'animation traditionnel, 2D, 3D, volume, quand je dis 3D à ce moment-là, et que ces anciens du cinéma aussi réels nous disaient qu'il fallait impérativement pouvoir prendre ces fondamentaux pour faire avancer et travailler dans l'image de synthèse, quoi. Et à la suite de ça, l'école s'est créée tout simplement sous format associatif parce qu'il fallait réunir les gens et c'était le plus facile pour réunir les gens, c'était l'association et pas une société. Et on arrive à convaincre des gens de vous donner de l'argent pour créer une école d'animation avec une association? Personne n'a donné d'argent. L'école est payante, c'est avec les frais de scolarité que le budget de fonctionnement fait que l'école en est là aujourd'hui au bout de 5 ans et que les subventions qu'on a eues, c'est du maire d'Orly qui nous a loué des locaux vraiment pas chers. Et en plus, ces locaux, c'est le château où Georges Méliès a fini sa vie, l'inventeur des effets spéciaux, donc un certain lien avec le cinéma en général. Et Émile Cole et Émile Reynaud sont passés aussi dans ce château qui était en fait l'ancienne maison des retraités du cinéma. Alors Orly, donc on est dans un lieu vraiment magnifique, avec des canards de partout. Donc ils n'ont rien traité pour mettre des étudiants? Pas du tout, c'est pas la maison de retraite des gens du cinéma qui était à Orly, dans le parc Georges Méliès, a fini il y a quelques années, je ne me rappelle plus de la date exacte. Mais après, ça a été la mairie d'Orly, et après, c'était l'École européenne supérieure d'animation. Voilà. Bon, mais il fallait quand même un petit peu de moyens pour investir en matériel. Les locaux sont prêtés gratuitement, c'est ça? Non, pas du tout. On a une location, mais une location qui n'est pas le prix de Paris 15e. Quoi. Ouais. Et on peut créer une école comme ça tout à fait librement, ça n'a pas correspondu à des règles? Pas du tout, il y a des règles à respecter, il faut dépendre du rectorat de toute façon, il faut répondre à certaines règles, il faut répondre à un certain nombre de diplômes, à un certain savoir-faire, et puis faut montrer patte blanche, je pense aussi au niveau des institutionnels qui m'ont supporté, que ce soit le conseil régional ou même la mairie d'Orly, le département le fait maintenant aussi, conseil général. Puis j'avais des grosses entreprises derrière moi qui m'aidaient, dont Sparks, dont plein de gens qui étaient chez Dubois à l'époque. Donc voilà, on répondait réellement à un besoin de production et à un besoin de former des gens, des jeunes créatifs, et pas des, enfin, des utilisateurs de logiciels, mais plus des jeunes créatifs à ce métier. Voilà. Et quelle est la différence, par exemple, est-ce que dans votre démarche, vous, vous pensez qu'il y a une différence avec, par exemple, l'école de Supinfocom, qui est un peu la référence en France ? Non, je pense pas, non, mais on a plus, on dit moins qu'on forme de réalisateurs, je pense que la différence elle est là, on parle pas, qu'on ne forme pas des réalisateurs, on forme des jeunes sur la chaîne de fabrication de l'animation, et ils pourront le devenir un jour, quoi. Je pense que la position de Supinfocom elle est à un autre niveau, quoi, où là on voit bien les films qui sortent, les films qu'on appelle bêtes de festival, c'est pas notre premier rattachement à nous, on se soucie vraiment, je dis pas que Supinfocom ne se soucie pas de l'avenir de ses élèves, loin de là, je dis plutôt qu'on on s'en soucie dans un premier temps à leur donner un métier en sortant de l'école et à leur donner des vrais débouchés dans les sociétés de production en tant que, dans un premier temps, technicien, mais on n'oublie pas que c'est des créatifs et voilà, il y en a certains qui ont débouché à faire aujourd'hui du storyboard, à faire des bibles de personnages pour du film d'animation, à écrire, à continuer à réaliser. Mais l'école ne se positionne pas en disant on forme des réalisateurs. Voilà. Alors ça veut dire qu'il y avait un vrai manque au niveau de la formation il y a quelques années pour les studios d'animation en 3D, quoi. On a vu quand même un nombre d'écoles net ces dernières années, très très important. Ce profil d'élève, je pense qu'il y en avait besoin, oui. Je pense pas qu'il y avait un manque d'élèves. Les écoles, c'est pas ce qui manque. Maintenant, comment forment ces écoles, je pense qu'elles sont radicalement différentes. C'est un peu la même différence qu'entre la FEMIS et l'école de Vaugirard. Ça forme plus des techniciens qui peuvent devenir des réalisateurs que des gens qui veulent tous devenir réalisateurs, c'est ça ? Tout à fait. Je pense que c'est dans cette optique-là, en fait, que les boîtes de production à l'époque m'avaient dit « Franck, essaye de monter un programme pédagogique qui réponde à nos réels besoins, quoi. On a vraiment besoin de gens qui... Qui sachent tout faire avec la machine. En passant par le crayon, en prenant aussi de la terre à modeler pour faire de la sculpture, pour recevoir le volume avant d'en faire en image de synthèse ou faire une marionnette en animation volume, c'est quand même primordial de connaître ces fondamentaux. On ne dit pas qu'ils soient sculpteurs ou qu'ils soient peintres, mais en tout cas qu'ils sachent tirer le savoir-faire de ces techniques-là, qui ne sont pas d'aujourd'hui, dans nos métiers d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je peux donner un exemple flagrant. Aujourd'hui, pour être animateur, il faut être acteur. L'école des Gobelins l'a bien compris sur ce principe, en mettant des cours de mime, par exemple, dans leurs cours. Nous, on leur donne des cours de mise en scène, de théâtre, pour justement qu'ils aient cette valeur d'être acteur pour être animateur. Un autre exemple aussi, la passerelle qu'on peut faire avec la peinture, c'est la mise en scène et la lumière dans un tableau. Donc, on les fait analyser du tableau de maître, des Rubens... On connaît Rubens qui avait énormément de mise en scène quand il dessinait ou peignait justement les tableaux sur les Médicis qu'on voit au Louvre, ou les frères Lonin, où il y a énormément de lumière à l'intérieur de leurs tableaux. Ben ça, d'analyser ces tableaux et de faire qu'aujourd'hui des jeunes s'intéressent, quand ils vont faire de l'image de synthèse ou composer une image pour du cinéma d'animation, quelles que soient les techniques, qu'on va se soucier de la méthode de travail et pas de la technique. La technique, on doit l'acquérir. Mais la culture de l'image, elle s'apprend et avec le temps. Donc on leur donne, les, je pense, les bonnes directions pour pouvoir justement travailler avec ces fondamentaux, avec les outils d'aujourd'hui. Et le but, c'est d'en faire abstraction pratiquement de l'outil après, mais ça c'est... Le nom pour l'animation, ça me paraît tout à fait indiqué. Le nom pour l'animation, c'est très bien. Non, alors, l'idée, donc, c'est de leur donner un panel très très large... De formation artistique qui leur donne les moyens ensuite de créer en maîtrisant les outils, ce qui est quand même évidemment le minimum, le béaba. Complètement. Alors vous faites appel à des enseignants, des spécialistes dans divers domaines. J'ai réussi à rassembler à peu près une trentaine d'enseignants, tous issus, on va dire, des sociétés de production, mais aussi du côté traditionnel, donc 2D, des animateurs 2D, des gens qui viennent de la mise en scène, comme je le disais tout à l'heure, ou même mon ancien prof de sculpture des Beaux-Arts de Paris, Jean-François Dufaux, qui était l'assistant de César pendant 25 ans, qui fait des visites de musées aussi pour l'école, qui les amène à découvrir des choses dans les musées, et qui leur parle aussi de sculpture, de prise de conscience du modelage, de l'étude morphologique d'après-modèle vivant, donc ils font de l'étude morphologique. Ça, c'est vachement important aussi quand on crée un personnage en image de synthèse ou en marionnette. On doit prendre conscience de la structure osseuse, des muscles qui composent le corps et du mouvement. Donc, c'est des gens comme ça qui interviennent. Là, l'école, on s'est doté d'une personne extraordinaire qui s'appelle Pascal Charpentier, qui était directeur effets spéciaux, qui a bossé sur de nombreux films et qui était ancien directeur de chez Ex Machina sur les effets spéciaux de. Cette personne-là, aujourd'hui, depuis plus d'un an, est venue à l'école pour fédérer tous ces profs-là. C'est mon directeur pédagogique, qui a été prof avant dans l'école, dès la création, et qui est devenu directeur pédagogique justement parce que on s'entendait vraiment bien et qu'il a réussi à réunir tous nos profs. Quoi. Mmh. Voilà. Donc en fait, c'est une école technique avant tout, mais qui fait la formation artistique en fait des élèves en fait. Voilà. On prend des créatifs qui viennent d'écoles de bande dessinée, BTS audiovisuel, animation 2D, des jeunes qui viennent des arts plastiques, tout ça. Et on les amène à travailler sur les outils d'aujourd'hui. Et avec leur savoir-faire, en continuant à développer leur savoir-faire, en leur donnant des cours d'analyse filmique, du cinéma d'animation, du cinéma traditionnel. Et là, on fait intervenir deux personnes plus précisément sur ces matières-là, sur l'analyse filmique et l'histoire du cinéma. Animation et traditionnelle, j'insiste parce que c'est important aussi de parler de la partie traditionnelle dans l'école, où là il y a Jean Douchet qui était un des anciens chefs opérateurs de Godard et Truffaut qui vient faire des analyses filmiques. Il y a une sommité dans la matière. Moi j'ai des souvenirs de ses cours à Jussieu, c'est assez extraordinaire. Voilà. Ouais. On peut le voir intervenir le lundi à la cinémathèque aussi, lundi soir, où là on analyse du cinéma traditionnel, du Kurosawa, parce que lui c'est un grand spécialiste du Kurosawa, ou du Chaplin. Il était venu à l'école pour analyser du Chaplin, le cirque. Ou du Kubrick, Eyes Wide Shut, de Kubrick, et bien d'autres films. Et une autre personne qui s'appelle Olivier Cotte, que tout le monde commence à connaître. On connaît bien dans cette émission, parce que j'en suis plusieurs fois. Et qui est, lui, un historien du cinéma d'animation, qui a écrit un bouquin fameux, et qui, lui, vient faire maintenant, et compose, est un des piliers de l'école, sur la partie, on va dire, analyse filmique et histoire du cinéma d'animation, et surtout la partie After Effects côté animation 2D, donc un nouvel outil qu'on appelle After Effects, un outil de composition où on va faire de l'animation 2D style papier découpé ou ce genre de choses, quoi. Voilà. On va faire peut-être une première petite pause musicale. Alors qu'est-ce que vous nous avez amené? J'ai amené un musicien qui m'a vraiment chamboulé dans ma vie, qui s'appelle Abou et qui est un chanteur comorien. Et là, la première chanson qu'on va entendre, il la chante avec son fils, et voilà, ça va, je pense, résumer un petit peu les choses qui se passent aussi en France. Ce qui se passait aux Comores pour lui dans sa chanson, mais les choses qui se passent aussi en France. Bon, et bien on va écouter Abou et on se retrouve tout de suite. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pas ça? Explique-moi, qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce pas ça? El este mundo, qu'est-ce pas ça? Toujours sur Radio Libertaire 89.4 et ses bulles de rêve. On était avec Franck Petita, directeur de l'École européenne supérieure d'animation à Orly. Franck Petita, on a évoqué le mot compagnonnage tout à l'heure. Donc vous êtes un ancien compagnon. À votre avis, qu'est-ce que ça apporte de différent? Il y a des valeurs avec le compagnonnage? Bien sûr, moi j'étais dans la corporation des tailleurs de pierres sculpteurs. Mmh. On a un certain rythme de vie. On a une certaine rigueur de travail. Je pense que ce que j'ai réussi à apporter en fait du compagnonnage, c'est essayer de faire savoir, essayer de transmettre avec tous ces anciens que j'ai su réunir dans le corps professoral, pour que ces élèves à leur tour puissent transmettre leur métier par la suite. C'est vraiment une philosophie de vie et de le métier d'un compagnon, c'est toute sa vie. Ça commence à rythme toute sa vie, son métier. Je pense que là, j'ai réussi, peut-être pas avec tous, mais en tout cas, à essayer de faire passer un message qui était important dans un milieu qui était ma passion, qui était le cinéma d'animation. Et c'est ces méthodes-là. Certains profs les ont intégrées, d'autres pas, parce que ça ne s'improvise pas. Mais ça doit se ressentir vraiment dans les cours qu'on donne. Et justement, d'avoir été chercher les fondamentaux, la peinture, la sculpture, le théâtre, la musique et tout ça, ça fait partie de ce genre de méthodes. On a l'impression d'aller retourner aux sources en fait de notre métier. Les sources de nos métiers, c'est ça quoi. C'est le dessin, c'est l'ASCO, c'est tout ça quoi. C'est voilà. Écoutez, on n'a pas souvent le mot familial quand on parle de votre école. Ça vous va comme qualificatif? Très bien. À côté comme ça. Ça me va très bien. Ça vous va très bien. À quoi ils rêvent les jeunes quand ils viennent dans l'école pour les entretiens au départ? Comment ils imaginent leur métier? Je vais vous donner deux anecdotes en faisant cours. La première, c'est un élève qui vient me voir avec son père sur la première sélection de l'école. Et cet élève, il avait à l'époque 19 ans. Et il me dit, j'ai mon bac. Et depuis l'âge de 6 ans, je rabâche à mon père que je veux faire des effets spéciaux et de l'animation. Mais il voulait vraiment faire. C'est-à-dire qu'il mangeait du cinéma d'animation, il a découpé les films, il calquait sur la télé... les trucs, ça. Il était vraiment dedans, il dessinait comme un fou. À 19 ans, il était très bon. Ce jeune-là est sorti il y a maintenant 3 ans de l'école. Il est responsable de projet chez Attitude Studio. C'est un fou furieux. Avec ce genre de profil, avec ce genre de jeunes qui brillent quand ils viennent dans l'école, ils voient qu'on est dans des lieux super. Je leur tiens quand même un discours avec ma passion, donc ça trompe pas. Quand on parle de passion, quand on parle de notre passion, quand on parle de notre métier et tout ça, on parle de cinéma, et ça peut pas tromper les jeunes. Et ces jeunes-là, ben, ils voient à l'entrée de l'école. Et c'est ça qui les intéresse dans l'école. C'est le fait que même les anciens élèves reviennent sur des portes ouvertes pour les conseiller pour leur vie professionnelle. Et ça c'est ça qui crée en fait le phénomène, comme vous dites, de famille. Mais moi j'y tiens beaucoup à ce genre de phénomène, parce que c'est ce qui les aide, c'est ce qui les soutient dans la vie de tous les jours, dans les sociétés de production. Et tout à l'heure tu me disais que on voit par exemple dans une boîte comme Dev to Shoot qui vient de commencer, près d'une 20, 25 ou 30 anciens élèves de l'école, ils se serrent tous les coudes dans les boîtes et entre les boîtes aussi. Et ce réseau d'anciens élèves, ils s'entraident, voilà. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné ces principes de vie dans l'école. Donc effectivement, on revient à une histoire de famille, mais voilà. C'est... On évoquait tout à l'heure hors micro aussi le fait que les étudiants avaient la possibilité d'être logés sur Orly. Ah oui, ça c'est super important ça. Qu'on puisse les garder à proximité de l'école, parce que l'école est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec chacun leur ordinateur, les plateaux de tournage, les caméras... les tables lumineuses, tout ça, c'est vachement important de pouvoir leur donner une structure vraiment à disposition quand ils viennent à l'école, et de les loger sur la ville, c'est super, parce que, mais ça c'est encore une valeur que le maire d'Orly nous a donnée, c'est que bah, y a pas de subvention vis-à-vis des institutionnels, mais au moins on a un maire qui nous soutient, qui croit en nos projets et qui nous soutient tout le temps quoi, dans nos moindres démarches. Pour les logements, ça en fait partie quoi. Et vous avez une idée de... Enfin, oui, je suppose que vous savez ce que sont devenus les élèves sortis des écoles. Ils ont tous trouvé du travail. Je les suis vraiment de près, pour la plupart. Aujourd'hui, on est entre 85 et 90% de taux de placement dans les sociétés de production. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà bien. Ceux qui ne sont pas placés, c'est ceux qui ont changé de métier ou qui sont partis à l'étranger, donc on n'a plus trop de liens avec eux, à part certains en Corée. Je dirais que ça fait aussi partie, plus que l'école, que eux entre eux se sont aidés aussi par la suite aussi à trouver des sociétés de production et à les faire venir dans les sociétés quoi. Et donc ça c'est les liens qui se lient comme ça, je pense, se sont difficilement cassables par la suite quoi. Alors quand on crée une école d'animation comme ça, comment se nouent les liens avec les autres responsables d'autres écoles plus anciennes, etc. C'est facile de rentrer dans ce milieu-là? On vous regarde pas un peu bizarrement, avec défiance, qui c'est celui-là? Non. Oui, au début c'était ça. C'est ce que tu viens de dire. Je m'étalerai pas dessus. Mais au tout début c'était vraiment ça. Ça a été très très très difficile pour moi et mes équipes et mes profs pour travailler dans la sérénité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à montrer que ce qu'on faisait, c'était intéressant et que ça avait qu'on apportait quelque chose d'intéressant au secteur professionnel. Et en fait, le respect, il est venu par en fait, les patrons de boîte qui ont dit aux autres écoles qu'on faisait du bon travail et qu'on méritait aussi d'avoir le titre d'école, quoi, et que voilà. Parce qu'il faut bien dire ce qui est, il y a aussi des écoles qui forment à l'animation, notamment en images de synthèse, c'est quand même un peu des boîtes africaines. Je ne citerai pas de nom. No comment, s'il te plaît. No comment. Bon, qu'est-ce que tu veux dire, boîte afrique? Je crois que tout le monde m'a très bien compris. Tout le monde n'a pas les mêmes soucis de pédagogie, on va dire. Voilà. Mais c'est pas heureusement, ce n'est pas les écoles les plus, ça, les plus reconnues et tout ça. Alors, Alexis fait l'idiot. On donnera les noms après. On donnera les noms après, mais en antenne. Un lieu comme le Carrefour de l'animation, parce qu'on va en parler, il se déroule, la troisième édition, je crois que c'est la troisième édition, se déroule le 12 mars prochain, samedi 12 mars, au Forum des images, qui est donc un lieu de rencontre des écoles d'animation, comme son nom ne l'indique pas, même si il y a le nom Carrefour dedans. Est-ce que ça... justement, ça aide un petit peu justement à créer des liens, à se rencontrer Bah oui, tout à fait. Je dirais pas entre les... Pas entre les directeurs d'école, mais entre les élèves surtout. Surtout entre les élèves. Ouais, c'est vraiment. Mais même entre les directeurs d'école, ils se rencontrent. Oui, bien sûr, mais nous on se rencontre dans d'autres endroits, les directeurs d'école. Je pense plus précisément au travail de Sylvie Porte qu'elle fait sur ces. Donc qui est organisatrice de ce carrefour, qui fait un travail énorme justement pour rapprocher tous ces élèves entre eux et pour faire qu'ils puissent se parler et s'entraider aussi et travailler ensemble. À la suite des rencontres de l'année dernière, il y a des partenariats qui se sont mis, pas des partenariats, des échanges qui se sont mis entre les élèves des Gobelins et de chez nous, sur des projets de films, sur des trucs comme ça, en dehors des écoles. Et ça, c'est vachement important, ça. Ça fait émerger des créatifs, ça fait émerger un savoir-faire qui est au Gobelin, un autre savoir-faire qui est à l'école d'Orly. Et voilà, ça c'est super, quoi. Et puis, c'est pas la plus mauvaise école, les Gobelins, en plus, on s'attend bien. C'est une bonne école, une très bonne école. On peut juste rappeler peut-être un peu le principe du Carrefour de l'animation. Donc, c'est une journée avec des rencontres, des rencontres des différentes écoles. Donc, à la fois, les rencontres des étudiants, à quelque chose d'assez peu formel, où les gens peuvent se rencontrer comme ça. Il y a des rencontres avec les responsables des écoles. Il y a la présentation des films de fin d'études. Et puis, un certain nombre de rencontres professionnelles, de tables rondes, on va dire, sur des thématiques diverses. Alors, cette année, l'accent est mis sur le jeu vidéo, qui est aussi une partie, on va dire, de l'animation, que moi, personnellement, je ne connais pas forcément beaucoup, mais c'est bien de pouvoir l'aborder aussi. Et il y a des rencontres aussi... Oui. Excuse-moi, vas-y. Ah non, mais... pour cette année, il y a des rencontres aussi comme des rencontres avec un monsieur qui travaille dans le cinéma d'animation, Christophe Serrant de DreamWorks. Alors, Christophe Serrant, c'est un Français qui a fait carrière aux États-Unis, qui est aujourd'hui a des hautes responsabilités chez DreamWorks, donc c'est une personnalité très en vue. Donc, il sera présent. Et qu'est-ce qui se passe avec les élèves de l'école? On a créé un atelier pour les jeunes pour décrire en fait la chaîne de fabrication d'un film d'animation en 3D avec toutes ses astuces. Et ces trois anciens élèves de l'école qui ont fait l'année dernière La Larve et l'Orang-outan et qui ont été primés au Festival d'Annecy au concours de projet, et qui vont, eux, qui travaillent tous les trois chez Dev2Shoot, et qui font vraiment un travail super avec les gamins, et je pense que ça va être vraiment intéressant, ce moment, avec Christophe Serrant aussi, qui participera à l'atelier. Il faut dire que c'est un moment vraiment privilégié, je crois, pour les étudiants, parce qu'effectivement, ils se rencontrent entre différentes écoles, mais aussi pour les jeunes qui veulent ensuite faire de l'animation. Là, ils peuvent se rendre compte vraiment, c'est... Alexis veut dire quelque chose. Il apprend juste. J'ai fait une bêtise, fallait s'inviter. Je vais essayer de le faire, ça fait très bien. Non, c'est juste pour dire, c'est surtout pour les passionnés de l'animation aussi, c'est-à-dire qu'il y a les étudiants. Il y a les étudiants, il y a tout ça, c'est bien de mettre cet accent-là. Mais vraiment, tous les passionnés d'animation qui sont à Paris le 12 mars doivent venir, parce que vous avez absolument, parce qu'on ne voit pas Annecy, ce qu'on ne voit pas dans aucun festival, vous avez absolument tous les films d'étudiants de chaque. Ou en tout cas le meilleur des films d'étudiants de chaque école qui sont présentés. Donc c'est un panorama qui est absolument extraordinaire, et chaque année c'est un peu plus gros, et c'est voilà, ça c'est très intéressant, et l'identité des directeurs de chaque école qui font une petite présentation juste avant, c'est très très intéressant. Ils sont obligés d'être là et d'assumer. Merci. Voilà, on va raccrocher le micro décroché par Alexis. Voilà, alors le carrefour de l'animation, donc c'est le 12 mars. Vraiment, c'est une rencontre tout à fait étonnante. Hein. Alors, on peut annoncer les tables rondes. Il y a une table ronde sur les métiers du jeu vidéo. Une table ronde sur les 3D, effets spéciaux et animation. Donc là, on est plus proche du domaine typiquement de l'animation. Et puis, une présentation interactive d'une sélection de prototypes de jeux de fin d'études. Pour moi, ce sera beaucoup une découverte. Hein. Les écoles parfois mêlent l'apprentissage du jeu vidéo et de l'animation, puis d'autres sont plus spécialisées uniquement dans l'animation, comme l'école d'Orly. C'est des domaines qui sont à la fois proches et en même temps, peut-être dans la démarche, il y a quand même des différences qui sont importantes. C'est vrai que c'est plus. Je ne vais pas dire n'importe quoi parce que je connais assez mal le jeu vidéo, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent bien autour de cette table, mais il me semble que dans le jeu vidéo, c'est plus répondre à des mécanismes, et donc il y a moins peut-être d'aspect créatif, si ce n'est visuel, on ne demande pas aux animateurs de jeux vidéo d'être des créatifs, c'est plutôt les concepteurs de jeux qui le sont. En fait, si les animateurs servent en fait surtout dans ce qu'on appelle les animatiques, à savoir, vous savez, c'est tout ce qui se passe avant le jeu même. On a des choses incroyables qui se font sur des jeux, notamment un jeu qui est très connu qui s'appelle Final Fantasy, où vous avez des animatiques qui durent 5 minutes, qui est devenu un film, et c'est des petites histoires à chaque fois. Et là, il y a un travail pour les animateurs qui sortent des écoles qui est absolument incroyable à faire. C'est surtout à ce niveau-là, bien sûr, plus que dans le jeu lui-même. Très bien, alors on va réécouter un petit peu de musique. Hein. Laisser le micro tranquille. J'ai des problèmes de micro aujourd'hui. Ça sera toujours Abou, une deuxième chanson avec son fils. Une deuxième chanson d'Abou. Babylone qui grandit.